Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne. Il aura vu glisser sa ville de Vienne et sa vie de l'élévation spirituelle et culturelle la plus haute à la décadence morale et à l'échec. Zweig fuit le nazisme et s'exile à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre testament d'un monde qui n'est plus, celui de la sécurité et du progrès. Livre témoignage sidéré d'un Européen face à ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. En 1942, Stefan Zweig se suicide, précisément au lendemain d'avoir posté le manuscrit du Monde d'hier à son éditeur. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Sixième épisode, les rayons et les ombres sur l'Europe. Il est peut-être difficile de peindre à la génération actuelle, qui a été élevée dans les catastrophes, les écroulements et les crises, pour laquelle la guerre a été une possibilité permanente, attendue presque quotidiennement, l'optimisme, la confiance dans le monde qui nous animait, nous, les jeunes, depuis le début de ce siècle. 40 années de paix avaient fortifié l'organisme économique des pays. La technique avait accéléré le rythme de l'existence. Les découvertes scientifiques avaient empli de fierté l'esprit de cette génération. Un essor commençait qui se faisait presque également sentir dans tous les pays de notre Europe. Les villes devenaient plus belles et plus populeuses d'année en année. Chaque fois que l'on revenait à Vienne, à Milan, à Paris, à Londres, à Amsterdam, on était étonné et comblé de joie. Les rues se faisaient plus larges, plus fastueuses, les bâtiments publics plus imposants, les magasins étaient plus luxueux et aménagés avec plus de goût. On sentait en toute chose que la richesse s'accroissait et se répandait plus largement. Même nous, les écrivains, le remarquions à nos tirages qui, en ce seul espace de 10 années, avaient triplé, quintuplé, décuplé. Partout, on allait de l'avant. Quiconque risquait gagnait à coup sûr. Qui achetait une maison, un livre, un tableau, en voyait monter le prix. Plus une entreprise était audacieuse, et plus on était sûr qu'elle serait d'un bon rapport. Une merveilleuse insouciance avait ainsi gagné le monde, car enfin, qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan? Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. Personne, à l'exception de quelques vieillards déjà décrépits, ne regrettait plus comme autrefois le bon vieux temps. Mais ce n'était pas seulement les villes qui changeaient. Les hommes eux-mêmes devenaient plus beaux et plus sains grâce au sport, à la nourriture meilleure, à la réduction de la durée du travail et à une relation plus intime avec la nature. Elle était merveilleuse, cette vague tonique de force qui, de tous les rivages de l'Europe, battait contre nos cœurs. Mais ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l'Europe charriait aussi des nuages. L'essor avait peut-être été trop rapide. Les États, les villes avaient acquis trop vite leur puissance. Et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou à en abuser. La France regorgeait de richesses, mais elle en voulait davantage encore. Elle voulait encore une colonie, bien qu'elle n'eût pas assez d'hommes et de loin pour peupler les anciennes. Pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L'Italie voulait la Cyrénaïque. L'Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie. Et l'Allemagne, encore tenue à l'écart, serrait déjà les poings pour porter un coup furieux. Partout, le sang montait à la tête des États, y portant la congestion. La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout, en même temps, comme s'il s'agissait d'une infection bacillaire, à se transformer en désir d'expansion. Chaque État avait soudain le sentiment d'être fort et oubliait qu'il en était exactement de même du voisin. Chacun voulait davantage et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus, notre commun optimisme. Car chacun se flattait qu'à la dernière minute, l'autre prendrait peur et reculerait. Ainsi, les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. 4 fois, 5 fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s'entint au jeu. Mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. En Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre. En France, on prolongea la durée du service. Finalement, les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d'où les nuages approchaient déjà de l'Europe. Ce n'était pas encore la panique, mais une constante inquiétude couvait partout. Nous éprouvions toujours un léger malaise quand les coups de feu crépitaient dans les Balkans. La guerre allait-elle vraiment nous assaillir sans que nous sachions pourquoi ni dans quel dessein ? Lentement, beaucoup trop lentement, beaucoup trop timidement, comme nous le savons aujourd'hui, les forces opposées à la guerre se rassemblaient. L'attitude de la plupart des intellectuels était malheureusement celle de l'indifférence passive, car par la faute de notre optimisme, le problème de la guerre, avec toutes ses conséquences morales, n'était absolument pas entré dans notre horizon intérieur. Nous croyions assez faire, en pensant en Européens, et en nous liant en une fraternité internationale, en avouant pour idéal, dans notre sphère d'activité qui n'exerçait pourtant qu'une influence indirecte sur les réalités de notre temps, la compréhension réciproque et la fraternité spirituelle par-dessus les frontières des langues et des États. Mais notre commun idéalisme, notre optimisme fondé sur le progrès en marche, nous faisait méconnaître et mépriser le danger commun. Et ce qui nous manquait, c'était un organisateur qui eût coalisé, dans la conscience du but à atteindre, les forces latentes en nous. Nous n'avions parmi nous qu'un seul homme qui prodigua ses avertissements, qui sut prévoir de loin les événements. Mais le plus curieux est qu'il vivait parmi nous, et que pendant longtemps nous ne sûmes rien de cet homme que le destin avait assigné comme guide. Pour moi, ce fut une de mes chances décisives de le découvrir à la dernière heure. Et il était difficile de le découvrir, car, en plein Paris, il vivait à l'écart de la foire sur la place. Si quelqu'un entreprend un jour d'écrire une histoire honnête de la littérature française au XXe siècle, il ne lui sera pas permis de négliger ce phénomène surprenant qu'on encensait dans les journaux de Paris tous les écrivains et tous les noms imaginables, mais qu'on ne connaissait pas les 3 plus considérables ou qu'on ne savait pas leur rendre justice. De 1900 à 1914, je n'ai jamais vu le nom de Paul Valéry, en tant que poète, ni dans Le Figaro, ni dans Le Matin. Marcel Proust passait pour un gommeux de salon. Romain Rolland, pour un musicographe très averti. Ils avaient près de 50 ans quand le premier rayon encore timide de la renommée les atteignit, et leur grande œuvre était plongée dans l'obscurité, au milieu de la ville la plus curieuse et la plus spirituelle du monde. C'est par hasard que je découvris encore à temps Romain Rolland. Une Russe qui faisait de la sculpture à Florence m'avait invité à prendre le thé chez elle pour me montrer ses travaux et pour tenter aussi de faire une esquisse de moi. Je fus exact au rendez-vous, à 4 heures, oubliant qu'elle était russe et par conséquent fort au-delà des contingences du temps et de la ponctualité. Une vieille babouchka, qui, comme je l'appris, avait déjà été la nourrice de sa mère, me fit pénétrer dans l'atelier où l'élément le plus pittoresque était le désordre et me pria d'attendre. Il y avait là, en tout et pour tout, 4 petites sculptures. En 2 minutes, je les eus examinées. C'est ainsi que, pour ne pas perdre mon temps, je saisis un livre, ou plutôt quelques petites brochures brunes qui gisaient çà et là. Elle s'intitulait « Cahier de la quinzaine », et je me souvins d'avoir entendu ce nom à Paris. Mais qui pouvait suivre toutes les petites revues qui se levaient partout dans le pays, comme des fleurs idéalistes à la vie brève, et puis disparaissaient ? Je feuilletai le volume et me mis à lire, de plus en plus étonné et intéressé, L'Aube de Romain Rolland. Qui était ce Français qui connaissait si bien l'Allemagne? Bientôt, je fus reconnaissant à cette brave Russe de son défaut de ponctualité. Quand elle arriva, enfin, ma première question fut « Qui est ce Romain Rolland ?» Elle ne put me renseigner précisément, et ce n'est que lorsque je me fus procuré les autres volumes, les derniers de l'ouvrage étaient encore en gestation, que je sus. Là était enfin l'œuvre qui servait non pas une seule nation européenne, mais toutes, et leur fraternisation. Là était l'homme, l'écrivain qui mettait en jeu toutes les forces morales, la connaissance aimante et la volonté sincère de connaître, une justice éprouvée et filtrée, et une foi ardente en la mission de l'art qui est d'unir les hommes. Tandis que nous nous dispersions dans de petites manifestations, il s'était mis à l'œuvre en silence, avec patience, afin de montrer les uns aux autres les peuples divers dans les qualités par lesquelles ils étaient le plus dignes d'être aimés. C'était le premier roman consciemment européen qui s'achevait ici, le premier appel décisif à la fraternisation, plus efficace parce qu'il atteignait des masses plus nombreuses que les hymnes de Verhaeren, plus incisif que tous les pamphlets et toutes les protestations. Ici se trouvait accompli dans le silence ce que nous espérions et attendions tous à notre insu. Les jours marquants de notre existence ont en eux plus de luminosité que les jours ordinaires. C'est ainsi que je me souviens encore avec la plus extrême netteté de cette première visite. Je gravis 5 étages d'un escalier tournant assez étroit, dans une maison de peu d'apparence, non loin du boulevard Montparnasse, et devant la porte, déjà, j'éprouvais l'impression d'un silence particulier. Rolland vint m'ouvrir et me conduisit dans sa chambre tapissée de livres jusqu'au plafond. Je reconnus en lui, et le temps m'a donné raison, l'homme qui, à l'heure décisive, serait la conscience de l'Europe. Nous parlâmes de Jean-Christophe. Rolland m'expliqua qu'il avait essayé par cet ouvrage de s'acquitter d'un triple devoir en exprimant sa reconnaissance à la musique, sa foi en l'unité européenne et un appel à la conscience et à la raison des peuples. « Maintenant, disait-il, nous devions tous agir, chacun à sa place, chacun dans son pays, chacun dans sa langue. Il était temps d'être vigilant, de plus en plus vigilant. Les puissances qui poussaient à la haine étaient, en raison même de la bassesse de leur nature, plus véhémentes et plus agressives que les forces de conciliation. Se tenaient en outre derrière elles des intérêts matériels qui en eux-mêmes étaient plus dénués de scrupules que les nôtres. L'absurdité était visiblement à l'œuvre, et la lutte contre elle plus importante même que notre art. Je sentis qu'il s'affligeait de la fragilité de ce que nous construisions en ce monde, ce qui était doublement saisissant chez un homme qui avait célébré dans toute son œuvre l'éternité de l'art. « Il peut nous consoler chacun en particulier, me répondait-il, mais il ne peut rien contre la réalité. » C'était en 1913. L'expérience a montré qu'il est 1000 fois plus facile de reconstituer les faits d'une époque que son atmosphère morale. Celle-ci ne se manifeste pas dans les événements officiels, mais bien plutôt dans de petits épisodes personnels, tels ceux que je voudrais rapporter ici. Pour être sincère, je dois dire qu'à l'époque, je ne croyais pas à la guerre. Mais 2 fois, j'y ai en quelque sorte rêvé, et j'ai tressailli d'effroi. La première fois, ce fut lors de l'affaire Redl, qui, de même que tous les événements historiques importants se joint à l'arrière-plan, est peu connu. Ce colonel, qui avait l'apparence d'un bon officier moyen de l'armée autrichienne, était l'homme de confiance du prince héritier. On lui avait confié la charge importante de diriger le service secret de l'armée et de contrecarrer celui de l'adversaire. Or, l'information avait transpiré qu'en 1912, pendant la crise de la guerre des Balkans, alors que l'Autriche et la Russie mobilisaient l'une contre l'autre, le document secret le plus important de l'armée autrichienne, le plan de concentration, avait été vendu à la Russie, ce qui, en cas de guerre, aurait nécessairement provoqué une catastrophe sans exemple, car les Russes connaissaient ainsi d'avance et de point en point tous les mouvements tactiques de l'armée autrichienne d'invasion. La panique que cette trahison déchaîna dans les milieux de l'état-major général des armées fut terrible. C'est au colonel Redl, plus haut responsable en la matière, qu'incombait la tâche de découvrir le traître, qui ne pouvait se trouver que dans le cercle très étroit des gens occupant les postes les plus élevés. De son côté, le ministère des Affaires étrangères, qui ne se fiait pas trop à l'habileté des autorités militaires, offrit un exemple typique du jeu des rivalités qui oppose les différents organes de l'État en donnant le mot d'ordre de procéder à une enquête pour son propre compte, sans en aviser l'état-major général, et chargea la police, en sus de toutes les autres mesures utiles, d'ouvrir toutes les lettres adressées poste restante, sans égard pour le secret de la correspondance. Un jour, arriva à un bureau de poste une lettre en provenance de la station frontière russe de Podvolochiska et qui portait l'adresse chiffrée « Bal de l'Opéra, poste restante ». Quand on l'ouvrit, on constata qu'elle ne contenait pas de papier à lettres, mais bien 6 ou 8 billets neufs de 1000 couronnes autrichiennes. Aussitôt, on avisa de cette découverte suspecte le chef de la police, qui donna l'ordre de poster un détective au guichet afin d'arrêter immédiatement la personne qui réclamerait cette lettre. Pour un moment, la tragédie commença par tourner à la bonne farce viennoise. Vers midi, un monsieur se présenta, demanda une lettre portant la mention « Bal de l'Opéra ». Aussitôt, l'employé préposé au guichet donna discrètement le signal convenu au détective. Mais il se trouva que le détective était justement allé boire sa chope matinale, et quand il revint, on put seulement établir que l'inconnu avait pris un fiacre et s'était éloigné dans une direction inconnue. En un quart d'heure, tous les postes de police furent alertés, le fiacre retrouvé. Le cocher donna un signalement du monsieur qui s'était fait conduire au café Kaiserhof, et par un heureux hasard, on trouva en outre dans la voiture le couteau de poche avec lequel l'inconnu avait ouvert l'enveloppe. Aussitôt, les détectives se précipitèrent au café Kaiserhof. Le monsieur dont ils donnèrent le signalement était reparti. Mais les garçons déclarèrent tout naturellement que ce monsieur n'était autre que leur vieil habitué, le colonel Redl, et qu'il venait de s'en retourner à l'hôtel Klomser. Le mystère était percé. Le colonel Redl, chef suprême de l'espionnage autrichien, était en même temps un espion à la solde du grand état-major russe. Comme il était sur le point de quitter l'hôtel et chargeait encore le portier d'une commission, un détective s'approcha de lui sans se faire remarquer, lui tendit le couteau de poche et demanda poliment « Monsieur le colonel, n'a-t-il pas oublié ce couteau dans un fiacre ?» À cette seconde, Redl sut qu'il était perdu. Partout où il se rendit, il aperçut les visages bien connus des gens de la police secrète qui le surveillaient. Et quand il retourna à son hôtel, deux officiers le suivirent dans sa chambre et posèrent un revolver devant lui. Le lendemain parut dans les journaux du soir une courte notice nécrologique sur le colonel Redl, qui avait rendu de grands services et qui était décédé subitement. Mais trop de personnes avaient été impliquées dans la poursuite pour que l'on pût garder le secret. Peu à peu, on apprit des particularités qui expliquaient psychologiquement beaucoup de choses. Le colonel Redl était homosexuel, à l'insu de ses supérieurs et de ses camarades, et depuis des années, la proie de maîtres chanteurs qu'il avait finalement acculé à ce moyen désespéré. Un frisson d'épouvante courut à travers toute l'armée. Tout le monde savait qu'en cas de guerre, ce seul homme aurait coûté la vie à des centaines de milliers et que la monarchie aurait été poussée par lui au bord de l'abîme. Ce n'est qu'à cet instant que nous comprîmes, en Autriche, combien déjà nous avions été près de la guerre au cours de l'année précédente. C'est en France qu'eut lieu le second épisode. Ce fut un tout petit épisode, mais qui produisit sur moi une impression particulièrement forte. Au printemps de 1914, avec une amie, dans la ville un peu endormie de Tours, où j'avais fait auparavant ma révérence à la maison natale de Balzac, nous décidâmes donc d'aller au cinéma. C'était un petit cinéma de faubourg rempli de petites gens, des ouvriers, des soldats, des vendeuses du marché, le vrai public en un mot. Tout d'abord, ce furent les actualités du monde qui défilèrent sur l'écran. Une course de bateau en Angleterre. Les gens bavardaient et riaient. Suivit une parade militaire en France. Ici encore, les spectateurs témoignèrent peu d'intérêt. Troisième tableau, l'empereur Guillaume rend visite à l'empereur François-Joseph. Je vis soudain sur l'écran le quai qui m'était familier de l'affreuse gare de l'Ouest à Vienne, où quelques policiers attendaient l'arrivée du train. Puis un signal. Le vieil empereur François-Joseph s'avançait devant la garde d'honneur pour recevoir son hôte. Quand il parut, un peu voûté déjà et un peu branlant sur ses jambes, s'avança le long du front des troupes, les Tourangeaux se moquèrent gentiment du vieillard aux favoris blancs. Puis, le train entra en gare. La porte du wagon-salon s'ouvrit, et Guillaume II en descendit, la moustache haut retroussée, en uniforme de général autrichien. Au moment où l'empereur parut sur l'écran, éclata tout à fait spontanément dans la salle obscure un vacarme de sifflets et de trépignements. Tout le monde criait et sifflait. Femmes, hommes, enfants, tous huaient comme s'ils étaient personnellement offensés. J'en fus effrayé, effrayé du fond du cœur. Car je sentis combien il avait fallu que l'empoisonnement par la propagande de haine poursuivie des années durant gagnât de terrain, si même ici, dans une petite ville de province, les citoyens et les soldats sans malice avaient déjà été excités à ce point contre l'empereur, contre l'Allemagne, qu'une simple image fugitive sur l'écran pouvait mettre le feu aux poudres. Cela n'avait duré qu'une seconde, mais une seconde qui me montra à quel point il pourrait être facile, au moment d'une crise sérieuse, de soulever les peuples de part et d'autre de la frontière, malgré tous les essais d'entente, malgré nos propres efforts. Au cours des jours suivants, je racontai cet épisode à mes amis. La plupart ne le prirent pas au sérieux. Seul Roland voyait les choses autrement. Plus un peuple est naïf, plus il est facile de le retourner. C'est alors, le 28 juin 1914, que retentit à Sarajevo ce coup de feu qui, en une seconde, fit voler en mille éclats comme un vase de terre creux ce monde de la sécurité et de la raison créatrice dans lequel nous avions été élevés, dans lequel nous avions grandi et où nous nous sentions chez nous. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stéphane Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Sixième épisode, Les rayons et les ombres sur l'Europe. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.